Hallelujah. Hallelujah. Revelation. Apocalypse. Chapter 19. Chapitre 19. What is this garment that the Lord is talking about? Quel est ce vêtement dont le Seigneur est en train de parler? In the time of Aaron. Du temps de Aaron. We know what Moses described. Nous savons ce que Moïse a décrit. But in the church today, mais dans l'église aujourd'hui, what is the Lord describing? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de décrire? Let me read it. Laissez-moi le lire. Revelation 19. Apocalypse 19. Verse 7 and 8. Les versets 7 et 8. Just short, but I'll explain everything later. Juste courtement, et je vais expliquer plus tard. I am reading amplified purposefully. Lis dans la version amplifiée intentionnellement. Because I want you to make notes, to write certain key points. Parce que je désire que vous preniez des notes, que vous notiez des points clés. When the church is alert, quand l'église est alerte, he says she is dressed in the full garment. Il dit, elle est habillée dans le vêtement complet. Listen to this. Écoutez ceci. Revelation chapter 19. Apocalypse chapitre 19. I'm reading verses 7 and 8. Je lis les versets 7 et 9. He says, let us rejoice and shout for joy. Il dit, réjouissons-nous et crions de joie. Exulting and triumphant. Exaltons-nous et triomphons. Let us celebrate and ascribe to him glory. Célébrons et attribuons-lui la gloire. And honor. Et l'honneur. For the marriage of the Lamb at last has come. Parce que les noces de l'agneau finalement sont arrivées. And his bride has prepared herself. Et son épouse s'est préparée elle-même. And he says, he gives the reference here, the book of Psalm 118, verse 24. Et il dit, il donne la référence ici, le psaume 118, verset 24. You can follow that reading later. Vous pouvez le lire plus tard. But the way he puts it here, mais la manière dont il l'a mis ici, he already agrees with Revelation chapter 16, verse 15. Il agrée déjà avec l'Apocalypse chapitre 16, verset 15. And he agrees also with what Isaiah saw regarding the appearing before God. Et il agrée aussi avec ce que Esaïe a vu à propos de l'apparition devant Dieu. He describes a celebration. Il décrit une célébration, felicitation, des félicitations, jubilation, une jubilation, joy unspeakable, une joie indicible, happiness undefined, un bonheur indéfinissable. He describes a state of revival in the church, joy. Il décrit l'état de réveil dans une église, joie. That when the time to appear arrives, and the light, the way amplified says, at last has come, at last. Mais quand le temps d'apparaître arrive, et j'aime comme la version amplifiée a dit, à la fin, finally it has arrived. Finalement, c'est arrivé. Which means long was the waiting. Ce qui signifie que l'attente était longue. When it says finally arrived, which means the waiting was also long. Quand il dit finalement c'est arrivé, ça signifie que l'attente était aussi longue. And he goes on to say, et il va plus loin disant, verse 8, le verset 8 of Revelation 19, de Apocalypse 19. She has been permitted, if you're making notes, write the word permitted. Il lui a été permis, si vous prenez des notes, écrivez permis. Or allowed. Ou autorisé. Wow, to wear the wedding garment of God. De vêtir l'habit de noces de Dieu. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. He says, at last. Il dit à la fin. Finally. Finalement. Which means the waiting was long. Ce qui signifie que l'attente était longue. And he says the reason there is such a celebration. Et il dit la raison qu'il y avait une telle célébration. He says, il dit, is because she has now been allowed, permitted. C'est parce que maintenant il lui a été autorisé. Wow, so you have to be allowed. Alors, vous devez avoir une permission. When it comes to the garment of God. Quand il s'agit du vêtement de Dieu. Verse 8. Le verset 8. She has been permitted to dress in fine, permitted, and then fine. il lui a été permis de se vêtir de fin. Permis et ensuite fin. In fine, radiant linen. D'un fin lin rayonnant. Fine and radiant. Fin et rayonnant. Finally, it shall be allowed. You can now wear it. Finalement, elle a été autorisée. Vous pouvez maintenant le vêtir. Which means the Lord is saying, ce qui signifie que le Seigneur dit that when he talks me about these things, que quand il m'a parlé à propos de ces choses and he sent me here, et il m'a envoyé ici, what is the message you can hear? C'est le message que vous pouvez entendre. I don't know what you are hearing. Je ne sais pas ce que vous entendez. But let me tell you what you ought to be hearing. Mais laissez-moi vous dire ce que vous devez être en train d'entendre. You ought to be hearing me. Vous devez être en train d'entendre, de m'entendre. Saying that, hey, disant, hey, this is the hour of the garment. C'est l'heure du vêtement. This is the hour of the radiant garment. C'est l'heure du vêtement rayonnant. The Lord is saying, le Seigneur dit that you are the generation that is envied. Que vous êtes la génération qu'on envie. You are the generation when other generations look at it and say, wow, I wish I could live. The prophets said and the apostles, I wish I could live to see that generation that prepares the garment. Vous êtes la génération que d'autres générations regardent en disant, hey, je désirerais pouvoir vivre ce que les prophètes ont dit et les apôtres. Je désirerais pouvoir vivre pour voir cette génération qui prépare le vêtement. We would have longed. Nous désirerions aspirer. It says, il dit that many of the prophets in the Bible and the apostles in the Bible, que beaucoup de prophètes dans la Bible et d'apôtres dans la Bible, they longed that they would live to see this generation that ushers in the Messiah. Ils aspirent à être de cette génération qui accueille le Messie. That will wait for him, prepare for him, and receive him. Qui va l'attendre, qui va se préparer pour lui, qui va le recevoir. And he uses the word permitted, allowed. Et il utilise le mot permis, autorisé. And he says, et il dit, she has been permitted to dress in fine, radiant linen. Il lui a été permis de se vêtir de fin lin rayonnant, dazzling and white, éblouissant et blanc. For the fine linen is and signifies and represents. Parce que le fin lin est et signifie et représente the righteousness. Write it down, somebody. Righteousness. La justice. Écrivez-le. La justice. The upright. L'honnêteté. Just and godly living. Le juste et vivant pieusement. Godly deeds. Les œuvres pieuses. And godly conduct. Et la conduite pieuse. And right standing with God. Et la tenue droite devant Dieu. The right standing with God of the saints. La tenue juste devant Dieu et devant les saints. God's holy people. Le peuple saint de Dieu. That is so powerful, what I just read there. C'est tellement puissant ce que je viens de lire là. Now, finally, you laid your hands on the physical thing. Maintenant, finalement, vous mettez vos mains sur les choses physiques. Now, finally, you understood this garment I've been talking about for hours here. Alors, finalement, vous avez compris ce vêtement dont je suis en train de parler depuis des heures ici. He said it signifies and represents. Il dit, ça signifie et représente uprightness with God. La droiture avec Dieu. Godly deeds, godly living. Une vie pieuse. To be in right standing with God. Être dans une tenue juste avec Dieu. And right conduct with God. Avoir une conduite juste avec Dieu. And he says when you get those physical tangible things and summarize them together, add them up. Et il dit, quand vous prenez ces choses physiques et tangibles et les résumer ensemble, good conduct with God. Une bonne conduite avec Dieu. Godly deeds. Des œuvres pieuses. Godly behavior. Une attitude pieuse. Uprightness with God. Honnêteté avec Dieu. Right standing with God. Tenue droite avec Dieu. He says when you add them up, il dit quand vous les additionnez, they define the wedding garment. Ils définissent le vêtement de noces, because they define righteousness. Parce qu'ils définissent la justice. And he says, that righteousness. Et il dit, cette justice, that is now the garment of God. C'est maintenant le vêtement de Dieu. Wow, amazing. Étonnant. Now you have it in your hands. Maintenant, vous l'avez en main. But beginning today, mais en commençant aujourd'hui, God has sent me to ask some very significant questions. Dieu m'a envoyé pour poser quelques questions significatives. Now that the hour to appear has arrived. Maintenant, l'heure d'apparaître est arrivée. Are you really in right standing with God? Êtes-vous vraiment en ordre avec Dieu? Now that the watch of God, the clock of God in heaven. Maintenant que la pendule de Dieu, l'horloge de Dieu dans le ciel, says that this is the time she needs to prepare because any second now she's supposed to appear before the Lord. Dit que c'est le temps où elle a besoin de se préparer parce que chaque seconde maintenant, elle est supposée apparaître devant le Seigneur. Are you in right standing with God? Est-ce que vous êtes en ordre avec Dieu? Are you living a godly life? Est-ce que vous êtes en train de vivre une vie pieuse? Are you having a godly conduct before Jehovah? Avez-vous une conduite pieuse devant Jéhovah? He says that is what defines the righteousness of God. Il dit, c'est ce qui définit la justice de Dieu. And then he says, righteousness of God equals to the wedding garment. Et ensuite il dit, la justice de Dieu est égale à l'habit de noces. That this whole thing I've been talking about is in fact the righteousness of God. Dans toutes ces choses à propos desquelles je parle, c'est en fait la justice de Dieu. I want to summarize it. There are some important points I need to give you here. Je désire résumer quelques points importants que j'aimerais vous donner ici. And it says, permitted. Et il dit, avoir la permission. Only God can allow you to wear his garment. Seul Dieu peut vous permettre de revêtir ce vêtement. And that means you cannot even get it by personal effort. Et ça signifie que vous ne pouvez même pas l'avoir par des efforts personnels. You have to be permitted. Vous devez avoir la permission. Allowed. Vous devez être autorisé. Which means by grace. Ce qui signifie, c'est par grâce. And that's why I talked about the Holy Spirit. He is the skillful one in the church making the garment. C'est pourquoi je parle à propos du Saint-Esprit. Il est celui qui est plein d'habileté pour faire ce vêtement. The Holy Spirit is the Spirit of grace. Le Saint-Esprit est l'Esprit de grâce. The Holy Spirit as the Spirit of grace. Le Saint-Esprit, en tant qu'Esprit de grâce, he has been authorized. Il a été autorisé. He has been given the jurisdiction. Il lui a été donné la juridiction. And the final authority. Et l'autorité finale. To prepare the church. Pour préparer l'église. For the coming king. Pour la venue du roi. For the Messiah. Pour le Messie. And so the churches across the world listening now. Et alors, l'église à travers le monde, écoutez maintenant. If you want to be the envied church, the church that enters the wedding supper of the Lamb. Si vous désirez être l'église qu'on envie, l'église qui va entrer au festin de l'agneau, then you must make sure that you receive the Holy Spirit of Jehovah. Alors vous devez être sûr de recevoir le Saint-Esprit de Jéhovah. Because only he, the skillful one, the Holy Spirit. Parce que seul lui, celui qui est habile, le Saint-Esprit, knows the dimensions of the garment. Connaît les dimensions du vêtement. The dimensions. Les mesures que j'ai mentionnées. And the vestments. Et le vêtement. And he says, et il dit, you must be clothed. Vous devez être vêtu with this garment, avec ce vêtement to see the kingdom of God. Pour voir le royaume de Dieu. And that when you are clothed, et quand vous êtes habillé, il introduit une chose très importante que j'aimerais que vous attrapiez maintenant. He says, il dit, radiant garment. You remember the vision I saw? They were doing like camera flashes here. Rayonnant, un vêtement rayonnant. Vous vous souvenez? Dans la vision que j'ai vue, il venait comme des flashs ici. So which means the church that the Lord has sent me to define here today. L'église que le Seigneur m'a envoyé définir ici, aujourd'hui, the elect of God, the holy people of God. Les élus de Dieu, le saint peuple de Dieu, the envied church. L'église qu'on envie. He says that church, il dit, cette église, she must radiate the glory of God. Elle doit rayonner la gloire de Dieu. How does the church radiate the glory of God? Comment est-ce que l'église peut rayonner la gloire de Dieu? Listen to me very carefully. Écoutez-moi très attentivement. This is how the church gives the glory of God. C'est là comment l'église donne la gloire de Dieu. Jesus said, Jésus a dit, I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. And later he turned to the church. Et plus tard, il se tourne vers l'église. And he told the church, et il dit à l'église, that you are the light of the world. Que vous êtes la lumière du monde. And if the light is lit, the lamp is lit to give light in the house. Et il dit, la lumière est claire, la lampe est faite pour éclairer la maison. Then let that lamp be taken and put on the hill on the mountain top. Mais mettez cette lampe sur le sommet de la montagne. That it may give light to the land. Pour qu'elle puisse donner de la lumière au pays. You cannot light up a lamp and cover it with a bakuli. Vous ne pouvez pas allumer une lampe et la couvrir avec un bol. So when I saw them, they were worshiping, and when I watched, they were giving me lightning flashes. Alors quand je les ai vus, ils adoraient et ils éclairaient. Ils avaient des flashs qui éclairaient. Meaning they were emitting the glory of God. Signifiant qu'ils émettaient la gloire de Dieu. The light of God they were emitting. La lumière de Dieu qu'ils émettaient. Which means. Ce qui signifie. That church is this. Cette église est ceci. When she walks, quand elle marche, the whole dark world, tout le monde de ténèbres, they can see the righteousness of God. Ils peuvent voir la justice de Dieu. When you go to her workplace, quand vous allez à sa place de travail, when they say, everybody's corrupt here, et ils disent, tout le monde est corrompu ici. Nobody can be trusted here. On ne peut faire confiance à personne. We have a special project, but nobody is trustworthy here. Nous avons un projet spécial, mais personne n'est digne de foi ici. And then you hear one of them say, et ensuite, vous entendez l'un d'entre eux dire, no, so and so is in the house. Maintenant, un tel est dans la maison. He is always the most faithful person here. Il est toujours le plus digne de confiance ici. He is the most honest person in this company. Il est la personne la plus honnête dans cette compagnie. Even when everybody fell, he remains standing. Même quand tout le monde tombe, il reste debout. Everybody was being investigated, he was not. Tout le monde était investigué, mais il ne l'était pas. The investigator said that we talked to all of them, but kuna moja ambao ameokoka. Celui, l'investigateur a dit, nous avons parlé avec tous, mais un seul est né de nouveau. Alléluia. Alléluia. So you don't have to write a banner on your back that's born again. Alors vous n'avez pas besoin d'écrire une bannière sur votre poitrine pour dire que vous êtes né de nouveau. You just walk right. Vous devez juste marcher droitement. And the Holy Spirit will testify on your accord. Et le Saint-Esprit va témoigner pour vous. Alléluia. Alléluia. The Lord is saying, le Seigneur dit, these are the days, qu'il y a des jours, when the Holy Spirit is testifying on behalf of the church. Quand le Saint-Esprit témoigne sur la moitié de l'Église, and so that's why I'm saying, et alors c'est pourquoi je dis, that the hour of darkness is here, que l'heure des ténèbres est là. But let us embrace righteousness. Mais embrassons la justice. That when you walk in righteousness, que quand vous marchez dans la justice, that is the light of the world, the light of God. Ça, c'est la lumière du monde, la lumière de Dieu. The question is, la question est, has the church in Chicago walked in righteousness? Est-ce que l'église de Chicago marche dans la justice? Canberra, Australia. Canberra en Australie. Is that church walking in righteousness? Est-ce que cette église marche dans la justice? Behold, the hour of righteousness is this. Voici, l'heure de la justice est ceci. We need to prepare quickly and appear. Nous avons besoin de nous préparer rapidement et d'apparaître. Anytime the trumpet will sound. À tout moment, la trompette va sonner. And we will need to go and present. Nous avons besoin d'aller et de nous présenter. But is there anybody walking in righteousness? Mais y a-t-il quelqu'un qui marche dans la justice? In your salvation. Dans votre salut. Have you really walked in righteousness? Est-ce que vous avez réellement marché dans la justice? You see the message the Lord brought me with? Vous voyez avec quel message le Seigneur m'a amené? Now you understand how the vision has now been revealed to you? Alors maintenant, vous comprenez pourquoi la vision a été maintenant révélée à vous? That vision was about the light of God, the righteousness of God in the church. Cette vision était à propos de la lumière de Dieu, la justice de Dieu dans l'Église. The return to righteousness. Le retour à la justice. If you are a righteous church, si vous êtes une Église juste, I don't think you'll come here with miniskirts. Je ne crois pas que vous viendrez avec des mini-jupes. Or tight clothes, tight skirts. Ou avec des jupes tellement serrées. You want the people in the church. Vous désirez que les gens dans l'Église to see your anatomy. Voient votre anatomie. Anatomy. Anatomie. And laugh at you. Et rit de vous. Is that the righteous church in Kenya? Est-ce que c'est l'église juste au Kenya? Then if you have said, if you have now said that that church is not the righteous one, then I'm asking, where is the righteous church in this city? Alors, si vous avez dit, si vous dites que cette église n'est pas la juste, alors où est l'église juste dans cette cité? The city is in darkness. We need some light here. Et c'est dans les ténèbres. Nous avons besoin de quelques lumières ici. We need the light of God here. Nous avons besoin de la lumière de Dieu ici. Is that the righteous church? Est-ce que c'est l'église juste? But I gave you the measurements of the vestments of the garments. They are written in the Bible. They are ascribed. They are already well lined out. They are put in that book of the law. Alors je vous ai donné les mesures du vêtement, de l'habit. Ils sont écrits. Elles sont écrites dans la Bible. Elles sont attribuées. Elles sont déjà bien posées. Elles sont mises dans ce livre de la loi. They are not fancy areas. They are specific dimensions, specific definitions. Ils ont des dimensions spécifiques. Ils ont des spécifiques définitions. You cannot say, I am walking with the Lord. I'm walking in light, in mostly in light, mostly. Vous ne pouvez pas dire, je suis en train de marcher avec le Seigneur, je marche dans la lumière, je marche la plupart du temps dans la lumière. La plupart du temps. I'm mostly, I'm trying, but I'm mostly in light, walking mostly in light. La plupart du temps, j'essaye, mais je suis la plupart du temps dans la lumière. La plupart du temps dans la lumière. Is that your righteous church? Est-ce que ça c'est l'église juste? The Lord is saying, le Seigneur dit that the righteous church, que l'église juste, when she was worshiping, quand elle était en train d'adorer, I saw her. J'ai vu, je l'ai vu. I saw her worshiping by the throne. Je l'ai vu adorant devant le trône. And when she went like this, she gave flashes coming, killing my eyes, flashes. Et quand elle marche comme ça, elle donne de la lumière, des flashs qui venaient dans mes yeux. And those flashes, each of them represents one of the attributes I read there. Et ces flashs, chacun d'eux représente un des attributs que j'ai lu là. Right standing with God. Marcher droitement avec Dieu. Godly deeds. Œuvre pieuse. Uprightness with God. Honnêteté avec Dieu. Godly conduct. Conduite pieuse. Godly, godly, godly, godly, godly all the time. Pieux, pieux, pieux, pieux tout le temps. So you see, precious people. Alors vous voyez, précieux peuple. Each of the flashes you saw, there were many. Killing my eyes. I saw they're killing my eyes. When they did like this, it was too much to see. Chacune de ces flashs, ils étaient en train de tuer mes yeux. Vous voyez, ça tuait mes yeux. Vous voyez? Each of them. Chacune d'entre elles represents one of the characters of the bride of Christ. Représente un des caractères de l'épouse de Christ. Represents one of the things God loves most about that church. Représente une des choses que Dieu aime le mieux à propos de cette église. Right standing with God. Une tenue droite devant Dieu. Fear of God. La crainte de Dieu. Righteousness with God. La justice avec Dieu. Righteousness with men. La justice avec les hommes. Where you go to your workplace. Quand vous allez à votre place de travail. And they tell you, this year is bad, please. You just make sure the books balance. Do whatever you do, don't tell me. But I want at the end of the year they are balanced. Et ils vous disent, cette année est mauvaise. S'il vous plaît, vous vous assurez juste que le livre soit en équilibre. Faites n'importe quoi, ne me dites pas. Mais je désire qu'à la fin de l'année, il y ait un équilibre. And then, at the end of the year, et ensuite, à la fin de l'année, when the directors come for the meeting, quand le directeur vient pour le rassemblement, you stand up, vous vous tenez debout and say, honorable people, et dites, honorables gens, the books did not balance this year. Les livres ne sont pas en équilibre cette année. And please, the records are here. Et s'il vous plaît, les rapports qui sont ici, if it is dying, let me die, but I've told you the truth. Si c'est pour mourir, je veux bien mourir, mais je vous dis la vérité. The church that is separated, l'église qui est séparée, that is the church that is separated is talking about here. C'est l'église qui est séparée dont il parle aujourd'hui ici. Because he's talking about the church. Parce qu'il parle à propos de l'église that is guarding herself. Qui se garde elle-même. From who? De qui? From the world. Du monde. The enemy is the world. L'ennemi, c'est le monde. The world is the one trying to corrupt the church. Le monde, c'est celui qui essaye de corrompre l'église. The world is the physical embodiment of the devil coming towards you. Le monde est l'incarnation physique du diable qui vient à vous. The world is the physical representation of Satan coming to spoil, all the time wanting to spoil your garment. Le monde est la représentation physique de Satan venant, essayant tout le temps d'abîmer votre vêtement. And so when the Lord says, et alors, quand le Seigneur dit that that church, que cette église, she is enviable, envied, elle est enviable, on l'envie. Because she's guarding, she's alert and she's guarding. She's not asleep, she's guarding. Parce qu'elle garde, elle est alerte, elle ne dort pas, elle garde. That is what the Lord is saying to you. C'est ce que le Seigneur vous dit à vous. You need to guard your salvation. Vous avez besoin de garder votre salut. Which means separated from the world. Ce qui signifie vous séparer du monde. The world will come here to you. Le monde va venir ici à vous. And say, you know you are living in the year 2011. Et vous dire, oh, vous savez, vous êtes en train de vivre à l'année 2011. This is a modern church. Don't be legalistic. Ah, c'est une église moderne. Ne soyez pas légaliste. No, you know I work in the bank and you know we long skirts. I don't know whether that's acceptable there. Maintenant, vous savez, je travaille dans une banque ici, longue jupe. Je ne sais pas si c'est acceptable là. Ah, you know, we are living in the New Testament, don't worry. Ah, vous savez, on vit dans le Nouveau Testament, ne vous en faites pas. There is so much grace, don't worry. Il y a tellement de grâce, ne vous en faites pas. You know the way Paul says you drink a little bit for your digestion? Vous savez que Paul dit, vous buvez un peu pour votre digestion? No, no, the answer is no. Non, non. Le cœur dit non. Because the world will put pressure on the church. Parce que le monde va mettre la pression sur l'église. Why did God send me all over the globe? Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé tout autour du globe? Because the world entered the church. Parce que le monde est entré dans l'église. Homosexuality of the world is in the church. L'homosexualité du monde est dans l'église. The love of money of the world is in the church. L'amour de l'argent dans le monde est dans l'église. The lying in the world is in the church. Les mensonges du monde sont dans l'église. And that's why he sent me here today. Et c'est pourquoi il m'a envoyé ici aujourd'hui. Two major conversations direct from the throne of God to the church. Direct. Avec deux conversations majeures directement du trône de Dieu pour l'église. Directement. And the Lord is asking, et le Seigneur demande, where is the light of God in your Christian life? Où est la lumière de Dieu dans ta vie chrétienne? The last thing that you have when you worship here, you know, some people go to the worship to find a girl. La dernière chose que tu as quand tu adores ici, vous savez, il y a des gens qui viennent adorer pour trouver une fille. Some people go to church that these days the good girls are in the church. Quelques personnes vont à l'église parce que en ces jours, les bonnes filles sont dans l'église. Quelques femmes vont à l'église parce que elles disent les hommes bien sont à l'église. That is true, of course. Ça c'est vrai, mais l'issue. But the issue is. Mais l'issue est. Is that why you should go to church? Est-ce que c'est pour ça que tu dois aller à l'église? The Lord says, "Come worship me." Le Seigneur dit, viens m'adorer. Seek ye first the kingdom of God. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. And his righteousness. Et sa justice. And his garment. Et son vêtement. And everything shall be an addition, a bonus, a gratis. Et toutes choses seront additionnées en bonus et gratuitement. Right standing with God. Une position droite devant Dieu. Godly deeds. Des œuvres pieuses. Godly living. Une vie pieuse. Just living. Une manière de vivre juste. Uprightness. De l'honnêteté. Righteousness. De la justice. Quiet. Être calme. Dazzling. Éblouissant. Radiant. Rayonnant. Finest linen. Le plus fin du lin. Clothing with it. Vêtu avec ceci. And you are permitted to do so. Et vous avez la permission de le faire. You are even allowed. You are doing it legally. Vous êtes même autorisé. Vous le faites d'une manière légale. No, because. Maintenant, parce que. You have to be allowed. Vous avez à être autorisé. I just said in the beginning. J'ai juste dit au début. That part of the fall is because we cannot handle the news. C'est parte des chutes parce qu'on ne peut pas prendre en main les nouvelles. Because when the news came to us, parce que quand les nouvelles viennent à nous, we were in the streets, nous étions dans la rue, no destiny, no future, sans futur. And the news said, et les nouvelles disent, behold the royal bride. Voici l'épouse royale. And he added priestly bride. Et il ajoute une épouse sacerdotale, kingly bride, une épouse royale, highest bride, la plus haute des épouses, holy bride, sainte épouse, righteous bride, épouse juste. Everything was said, tout a été dit, that we never fathom, we never imagine, que vous allez jamais pouvoir imaginer. So in the process, alors dans le procédé, as we waited for the wedding, alors que nous attendions pour le mariage, we found ourselves in some kind of ungodly joy, undefined joy, you see that? On trouve nous-mêmes une sorte de sans piété, une joie sans piété, une joie indéfinissable. We were dancing in the bars now. Nous dansions dans les bars maintenant. And you ask, is this the royal bride? Et vous lui demandez, est-ce que c'est l'épouse royale? And everybody saying, oh, she's the royal bride. Tonight I have to dance with her. Oh, c'est l'épouse royale. Oh, ce soir, je vais danser avec elle. Take me a picture. When you see me dance with her, I must dance with her. This is the royal bride. I must. I don't know. I am going to make sure I must dance with her today. And when you see me dancing, please take me a picture. Je dois danser avec elle. Elle est l'épouse royale. Je dois, je ne sais pas, je vais le faire. Je dois danser aujourd'hui. Et quand vous me voyez danser, s'il vous plaît, prenez-moi en photo. Et ensuite, définis-la. She's in some kind of undefined joy. Joy that has no bounds. Elle est dans une sorte de joie indéfinissable. Une joie qui n'est pas liée. Ungodly joy. Une joie impie. And I say, the Lord sent me here. Et j'ai dit, le Seigneur m'a envoyé là. To appraise the church. Pour élever l'église. He said, calm down, it's okay. Il dit, viens en bas, tout est en ordre. Your seat at the wedding. Tu vas avoir ta fête au mariage. But calm down, let us work on the garment. If you continue like this, you end up just missing the wedding anyway. Viens en bas, tout est en ordre, tu ne vas pas manquer le mariage. So she had to be permitted by law. Alors elle a à être autorisée par la loi. It is now the legality. C'est maintenant la légalité that gives her the citizenry of heaven. Qui lui donne la citoyenneté dans les cieux. It is that legality. C'est cette légalité that justifies her regardless of background. They say, now since you are here, you are now a royal. Ils disent, maintenant, puisque tu es là, tu es maintenant quelqu'un de royal. You are now a royal. Tu es maintenant quelqu'un de royal. You are one of the royals. Tu fais partie de la royauté. Okay, then let us behave according to the royals. D'accord. Alors, ayons une attitude en accord avec la royauté. If the royals walk in straight line, let us walk in straight line. Si ce qui est royal marche dans une ligne droite, marchons dans une ligne droite. Zechariah chapter 3. Zacharie, chapitre 3, from verse 1. du verset 1. Zechariah chapter 3 verse 1, I'm reading amplified again. Zacharie chapitre 3 verset 1, je suis encore en train de lire dans la version amplifiée. So I may open it up. Alors, je peux l'ouvrir. This is what it says from verse 1. C'est ce qu'il dit du verset 1. Then the guiding angel showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord. Ensuite, l'ange qui était debout me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange du Seigneur. And Satan standing at Joshua's right hand to be his adversary and to accuse him. Et Satan à la droite de Josué pour être son adversaire et pour l'accuser. And the Lord said to Satan. Et le Seigneur dit à Satan. The Lord rebuke you, O Satan. Le Seigneur te réprime, ô Satan. Even the Lord who now and habitually chooses Jerusalem. Le Seigneur qui habituellement choisit Jérusalem. Rebuke you. Te réprime. Is not this returned captive Joshua a brand plucked out of the fire? Est-ce que c'est pas un de ces captifs, Josué? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Now Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel of the Lord. Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. And he says verse 4. Et il dit au verset 4. And he spoke to those who stood before him. Et il a parlé à ceux qui étaient devant lui. Saying. Disant, take away the filthy garments from him. Ôtez-lui les vêtements sales. And he said to Joshua. Et il dit à Josué. Behold, I have caused your iniquity to pass from you. Voici, je t'enlève ton iniquité. And I will clothe you with rich apparel. Et je te revêt d'habits de fête. And he said, let them put a clean turban on his head. Et il a dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. So they put a clean turban on his head. Et alors ils mirent un turban pur sur sa tête. And they clothed him with rich garments. Et ils l'ont vêtu de riches vêtements. And the angel of the Lord stood by. Et l'ange de l'Éternel était là. And the angel of the Lord solemnly and honestly. Et l'ange de l'Éternel solennellement et honnêtement protestait. And affirmed to Joshua saying. Et affirmait à Josué disant. Thus says the Lord of hosts. Voilà ce que dit l'Éternel des armées. If you will walk in my ways. Si tu veux marcher dans mes voies. And keep my church. Et garder ma maison. Then also you shall rule my house. Et aussi tu garderas ma maison. And have charge of my court. Et tu auras la charge de ma cour. And I'll give you access to my presence. Et je veux te donner accès à ma présence. And places to walk among these who stand here. Et te placer parmi ceux qui se tiennent ici. That is very powerful. C'est très puissant. Everybody listen very carefully now. Chacun écoute très attentivement maintenant. What I just read is very big now. Ce que j'ai juste lu est très grand maintenant. He is now complicating matters. Maintenant, il complique les choses. He is now introducing another type of garment. Maintenant, il introduit un autre type de vêtement. Il dit that much as there is a glorious garment. Qu'il y a une matière de vêtements glorieux. But beware that if you are not wearing the glorious garment. Mais soyez avertis que si vous n'avez pas vêtu le vêtement glorieux, then you could as well be wearing a filthy garment. Alors vous pouvez aussi vêtir un vêtement sale. Joshua here. Josué ici. Stands for Israel. Se tient pour Israël. The priesthood in Israel. La prêtrise en Israël. The priestly nation of Israel. La nation sacerdotale en Israël. That's why you hear him talk about the turban. The turban is the symbol, that hat, that turban is the symbol of priesthood. C'est pourquoi il parle ici à propos du turban. Le turban est le symbole de la prêtrise. I did not read to you the descriptions on the detail of the garment as Aaron was supposed to be made for. Je n'ai pas décrit les détails du vêtement qui devait être fait pour Aaron. And he said this. Et il dit ceci, that when they were building the turban, que quand ils construisaient ce turban, that they should get in the turban and put in another piece, there's a name given, and that piece you insert it inside. When the turban falls, you insert it inside like this. Qu'ils devaient aller dans le turban et y mettre une autre pièce. Il y a un nom donné sur cette pièce, et cette pièce est insérée à l'intérieur. Quand le turban se plie, vous l'insérez. Comme ceci. And that piece has a writing on it. Et cette pièce a quelque chose d'écrit dessus. What is written there? Qu'est-ce qui est écrit ici? This is what is written there. C'est ce qui est écrit ici. It is written, c'est écrit, Holy unto the Lord. Sainteté au Seigneur. So the turban is a symbol of priesthood. Alors le turban est un symbole de la prêtrise. And Israel was built, was raised by God. Et Israël était construit, était élevé par Dieu. To be a priestly nation. Pour être une nation sacerdotale. Meaning a nation that when she goes to worship, she will lead all the other nations to worship the same Jehovah. Sacerdotale, ce qui signifie que quand elle va adorer, elle va conduire les autres nations qui elles aussi adoreront le Dieu Jéhovah. Because when Israel worshipped, parce que quand Israël adorait, then the glory came down. Alors la gloire descendait. When the blood was poured on the mercy seat of the ark of God. Quand le sang était versé sur le siège de miséricorde de l'arche de Dieu, the glory came and sat on the mercy seat. La gloire venait et s'asseyait sur le siège de miséricorde. Let me share with you whoever is tuned in globally. Laissez-moi partager. I have seen that glory on the mercy seat. J'ai vu cette gloire sur le siège de miséricorde. When the Lord was calling me, quand le Seigneur m'appelait, listen to this. Écoutez ceci. In one of those visions, dans une de ces visions, of the calling, lors de l'appel, je me souviens, il m'a soulevé et il m'a mis devant le trône du Dieu des cieux. And to cut the whole story short, because there is a walkway, the one that was talking to me and leading me, the voice that was leading me, the one that stood next to me. Et je veux raccourcir parce que celui qui était à côté de moi, qui me guidait, qui était assis près de moi, I remember when he told me now you can kneel down and pray after the two cherubim had brought the ark of God and placed in the throne position. Je me souviens quand il m'a dit, maintenant tu peux t'agenouiller et prier après que les deux chérubins aient apporté l'arche de Dieu et les placé dans la position du trône. And I remember when I started praying, et je me souviens quand j'ai commencé à prier, and I said, Mighty Father, et que j'ai dit, puissant Père, I come to you today, je viens à toi aujourd'hui with a lot of praise and thanksgiving, avec beaucoup de louanges et de remerciements. And I said, in the mighty name of Jesus, et j'ai dit, au nom puissant de Jésus. When I just mentioned the mighty name of Jesus, quand j'ai juste mentionné le puissant nom de Jésus, then the glory came. Alors la gloire est venue on the golden walkway, sur le chemin d'or towards the ark of God, vers l'arche de Dieu. And he did this. Et il a fait ceci. And sat on the mercy seat. Et s'est assis sur le siège de miséricorde. I could almost hear the sound of the glory. Je peux presque entendre le bruit de la gloire. And sat on the mercy seat like this. Et s'est assis sur le siège de miséricorde, comme ceci, comme ceci. And then the Lord spoke from the glory. Et ensuite le Seigneur a parlé de la gloire. The cloud. La nuée. But listen to me. Mais écoutez-moi. The priesthood of Israel, la prêtrise d'Israël, every time they offered sacrifice, chaque fois qu'ils offrent des sacrifices, the sacrifice was acceptable to God, les sacrifices étaient acceptables à Dieu, when the glory descended on the mercy seat, quand la gloire descendait sur le siège de miséricorde. Listen very carefully now. Focus here. Écoutez très attentivement maintenant. Concentrez-vous ici. By the way, you cannot get this on TBN. À propos, vous ne pouvez pas avoir ça sur TBN. Or Daystar. Oh non, Daystar. You cannot get this, so you catch this one here. Alors vous pouvez l'avoir seulement ici, il faut le prendre. That's why the Lord is taking it globally. C'est pourquoi le Seigneur le prend d'une manière globale. That when the Messiah comes, que quand le Messie vient, there may be a glorious church. Là peut être une église glorieuse. But when Israel worshipped, mais quand Israël adorait, then the glory descended. Et que la gloire descendait, Israel became known. Israël est devenu connu. As the nation whose God is Jehovah. Avec cette mention, quel Dieu est Jéhovah? Whose God is the Lord? Quel Dieu est le Seigneur? And whoever blesses Israel. Et qui que ce soit qui bénissait Israël, the Lord himself blessed. Le Seigneur lui-même l'a béni. And blesses today. Et le bénit aujourd'hui. Whoever curses Israel. Qui que ce soit maudit Israël, the Lord himself curses. Le Seigneur lui-même le maudit. In that way, dans cette manière, the neighboring nations envied Israel. Les nations voisines envient Israël. They wish they could be like Israel. Ils désirent être comme Israël. And that is the way in which they also were supposed to be drawn to worship the God of Israel. C'est de ces manières ils étaient censés être amenés à adorer le Dieu d'Israël. The church. L'église. Even you have been raised up as a priestly nation, a priestly people. Même vous avez été élevés comme une nation sacerdotale, comme un peuple sacerdotal. A people of the priesthood. Et plus profondément dans la prêtrise. And the Lord is saying, et le Seigneur dit, that when you worship, quand vous adorez, you are supposed to draw the nations to Jesus. Vous êtes supposé amener les nations à Jésus. And my question is, et ma question est, have you really drawn people to Jesus? Avez-vous vraiment amené des gens à Jésus? Or you have pushed them away. I know that the church has pushed them away. Ou bien si vous les rejetez, je sais qu'il y a des églises qui les rejettent. Some people have come, my husband left me because of immorality. Quelques personnes sont venues, mon époux m'a laissé à cause de l'immoralité. And then when they came to church, the pastors wanted to sleep with them again. Alors quand elles viennent à l'église, les pasteurs désirent dormir encore avec elles. So they became confused and ran away. Alors ils deviennent confus et s'en vont. So the church, yes, the church indeed has chased away some people from Jesus. Alors l'église vraiment a rejeté des gens de Jésus. And that's why the Lord now introduces the second garment. Et c'est pourquoi maintenant le Seigneur introduit le second vêtement. He says, remember there is a glorious garment, but beware, there is also a filthy garment. Il dit, souvenez-vous, il y a maintenant un glorieux vêtement, mais soyez avertis, il y a aussi un vêtement sale. And he says that when Joshua was wearing the filthy garment. Et il dit, quand Josué avait vêtu le vêtement sale, the enemy was claiming right. L'ennemi proclamait des droits. The adversary came to accuse him. L'adversaire est venu pour l'accuser. Even the church today. Même l'église aujourd'hui. I see that the church is wearing a filthy garment. J'ai vu que l'église était en train de revêtir un vêtement sale. Where is your glorious garment? Où est votre vêtement glorieux? In other words, where is your righteousness before the Lord? En d'autres mots, où est votre justice devant le Seigneur? And he's discussing the garment here. Et il parle à propos du vêtement ici. But when it comes to the matter of the garment, mais quand il vient sur la question du vêtement, now he's talking about repentance and forgiveness of sin. Maintenant, il parle à propos de repentance et de pardon des péchés. He's saying, il dit, that if you will turn away from sin, then I'll put a rich garment on you. Que si vous désirez vous détourner des péchés, je vais vous vêtir d'un riche vêtement. Alors je mettrai un riche vêtement sur vous. Then I'll forgive you. Et ensuite je vous pardonnerai. Then you will be now my people because I'll give you access to my presence. Access to my presence. Et vous allez être maintenant mon peuple parce que je vais vous donner accès à ma présence. Accès à ma présence. And right now, et juste maintenant, the Lord has sent me to the church. Le Seigneur m'a envoyé à l'église to tell the church, pour dire à l'église that very soon, que très soudainement you are going to supposed to be in the presence of the throne. vous allez être supposé être dans la présence du trône. Even to see Jesus face to face. Même de voir Jésus face à face. But the question is, mais la question est, are you willing to turn away from sin? Est-ce que vous êtes voulant de vous détourner du péché? That a rich garment may be put on you. Pour qu'un riche vêtement puisse être mis sur vous. A priestly garment. Un vêtement sacerdotal. A clean turban. Un turban pur. The restoration of your priesthood. La restauration de votre prêtrise. The restoration of your salvation. La restauration de votre salut. Are you ready for the Lord to restore the glory of your salvation? Est-ce que vous êtes prêt pour que le Seigneur restaure la gloire de votre salut? And he told him that if you will observe my decrees, my laws. Et il lui a dit, si tu observes mes décrets, mes lois, and keep my commands, et garde mes commandements, keep my charge, et garde mon église, then I'll take away your iniquity and sin. Alors je vais enlever ton iniquité et tes péchés, and I'll permit you access into my presence here. Et je veux te donner la permission d'avoir accès à ma présence ici, that you may not just be in this presence, pour que tu ne sois pas seulement en sa présence, but you may be in the rulership of God, the royalhood of God. Mais que tu puisses être dans le gouvernement, dans l'équipe de gouvernement de Dieu, la royauté de Dieu. So he says in this scripture we read, alors il dit dans ce texte que nous avons lu, that there is a filthy garment, beware. Qu'il y a un vêtement sale, soyez avertis. And he says there is a rich garment you ought to be wearing. Et il dit qu'il y a un riche vêtement qui doit être vêtu. And he says repentance and forgiveness of sin is the way to the rich garment. Alors il dit que la repentance et le pardon des péchés est le chemin aux vêtements riches. Which means the Lord is treasuring obedience to his decrees. Ce qui signifie que le Seigneur chérit l'obéissance à ses lois, à ses décrets, to his commands, to his charge, to his requirements, à ses commandements, à son église, à ses exigences, obedience, l'obéissance. And he says, et il dit that obedience is better than sacrifice. Que l'obéissance est mieux que les sacrifices. To obey God is better than doing anything physical. D'obéir à Dieu, c'est mieux que de faire quoi que ce soit qui soit physique. And because of the garments that we are discussing today, à cause du vêtement dont nous parlons aujourd'hui, because of the garment, the glorious garment we are discussing, à cause du vêtement, du glorieux vêtement à propos duquel nous discutons, now God is able to talk about the heavenly inheritance. Et maintenant le Seigneur est en mesure de parler de son héritage, to enter my presence and take charge of my courts, d'entrer dans ma présence et de prendre en charge ma cour. Heavenly inheritance. Un héritage céleste. But he's also talking about something else here. Mais il parle aussi à propos de quelque chose d'autre ici. If you listen the summation of it all, si vous écoutez le résumé de tout ça, he said, if you will separate, separation, il a dit, si vous voulez séparer la séparation, he's talking about a separated church. Il parle à propos d'une église séparée. He's saying that the church that wears the garment that is rich and righteous and glorious must be a separated church. Il dit que l'église qui revêt le vêtement qui est riche et glorieuse doit être une église séparée. The church in which light and darkness cannot mix. L'église dans laquelle la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se rencontrer. Remember, souvenez-vous, that every time que chaque fois you take darkness, vous prenez les ténèbres plus the light you have, la lumière que vous avez, it is always equal to darkness. C'est chaque fois égal aux ténèbres. When you take consecrated meat, roasted meat, quand vous prenez de la viande consacrée, de la viande rôtie, and you wrap it around your garment to take home and enjoy a little bit later, et que vous la cachez dans votre vêtement pour la prendre à la maison et la manger plus tard, and you put it on your unconsecrated garment, et que vous la mettez dans votre vêtement qui n'est pas consacré, does it still remain consecrated meat? Est-ce que ça reste de la viande consacrée. Light plus darkness is always equal to darkness. La lumière plus les ténèbres sont toujours égales aux ténèbres. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. 2 Corinthiens chapitre 6 les versets 14 à 18. I am not reading, just write it. Je ne le lis pas, juste écrivez-le. Exodus chapter 19 verse 1 to 6. Exode chapitre 19 versets 1 à 6. 1 Peter chapter 2 verse 4 to 12. 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 12. Look at what he says there. Regardez ce qu'il dit ici. 1 Peter chapter 2. 1 Pierre chapitre 2. From verse 4 onwards. Du verset 2 et suivant. Let me tell you one thing. Laissez-moi vous dire une chose. This is the sermon of all your life. C'est le sermon de toute votre vie. You can catch this sermon. Vous pouvez prendre ce sermon and literally enter into the kingdom of God. Et littéralement entrer dans le royaume de Dieu. Now listen to what he says here. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici. In 1 Peter chapter 2. Dans 1 Pierre chapitre 2. Verse 4, he says. Au verset 4, il dit. Come to him then to that living stone. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Which men tried and threw away. Que les hommes ont essayé et ont rejeté. But which is chosen and precious in God's sight. Mais qui est choisie et précieuse devant Dieu. Come and like living stones. Venez et comme des pierres vivantes. Be yourselves built into a spiritual house. Édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle. For a holy, dedicated and consecrated priesthood. Un saint sacerdoce consacré. To offer up those spiritual sacrifices that are acceptable and pleasing to God through Christ Jesus. Acceptable qui plaise à Dieu par Jésus-Christ. You see where your priesthood falls? Vous voyez où vous pouvez placer votre prêtrise? Your priesthood is in the order of Christ Jesus the King. Votre prêtrise est dans l'ordre de Jésus-Christ le roi. It is a higher order. It is the order of Melchizedek, the King of Righteousness. C'est l'ordre le plus haut. C'est l'ordre de Melchizedek, le roi de justice. And that means anything within your practices, within your priestly practice. Ça signifie toute chose au sein de vos pratiques, au sein de votre pratique sacerdotale. In your priestly practice, you are supposed to adhere to the law of righteousness. Dans votre pratique sacerdotale, vous êtes supposé adhérer à la loi de la justice. Righteousness is supposed to be the yardstick of your practice. La justice est supposée être le standard de votre pratique. Even when you engage in worship, you worship God. Même quand vous êtes engagé dans l'adoration, vous adorez Dieu. You must strike the threshold and the benchmark of righteousness before God. Vous devez frapper le seuil et le standard de la justice devant Dieu. Because he's saying, parce qu'il dit that even you now have been chosen. Parce que même vous, vous avez été choisi. Having been rejected for your sake. Ayant été rejeté pour votre salut. Even you were rejected, but now henceforth. Même vous, vous étiez rejeté, mais maintenant, à l'avenir, you have been called and chosen into a royal priesthood. Vous avez été appelé et choisi en tant que prêtrise royale. A holy consecrated priesthood. La sainte prêtrise consacrée. So he's talking about. Il parle à propos the priestly practice at this hour. Des pratiques sacerdotales de cette heure. And he says, you will not appear before him except that you wear the garment. Et il dit, vous n'apparaîtrez pas devant lui sauf si vous avez vêtu le vêtement. He says that is the only way that your legal practice, your practice of this law. C'est la seule manière pour que votre pratique légale, votre pratique de cette loi, of the law of God, can strike the threshold of righteousness before God, because you have imbibed it. It is inherent. It's inside. Endemic. It's inside you. You are seasoned in righteousness. De la loi de Dieu puisse frapper le seuil de la justice devant Dieu, parce que vous l'avez imbibé. C'est inhérent à l'intérieur. Nommez-le à l'intérieur de vous. Vous êtes chevronné en justice. You are built by righteousness. You are pumped out from righteousness, he says. Vous êtes construit par la justice. Vous êtes né de la justice. Il dit. He says you did not deserve. He was rejected, even you like he was rejected. Now you are being built into a spiritual house, and that house the living house. From the living stone, now you get a living house. Vous ne l'avez pas mérité. Il était rejeté, même vous, comme il était rejeté. Maintenant, vous avez été construit en une maison spirituelle. Et cette maison est une maison vivante. D'une pierre vivante, maintenant vous avez une maison vivante. Each of you, chacun d'entre vous, when I see you, quand je vous vois, I see little living stones. Je vois des petites pierres vivantes. For building the big house. Pour construire la grande maison, the spiritual house. La maison spirituelle, the body of Christ. Le corps de Christ. But he's saying in amplified, mais il dit, dans la version amplifiée, that allow yourself to be built in a living house, which means the vessel of the Holy Spirit. Laissez-vous être construit en une maison vivante, ce qui signifie le récipient du Saint-Esprit. If the Lord says that, store up for yourselves treasures in heaven where moths and rust cannot destroy and thieves cannot steal. Et le Seigneur dit cela, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne peuvent pas détruire et où les voleurs ne peuvent pas dérober. Then what treasure is he talking about here? Alors, de quel trésor est-il en train de parler ici? Righteousness. La justice. Because he says, where your treasure is, there your heart also will be. Parce qu'il dit, là où est votre trésor, alors votre cœur va l'être aussi. But when I look at righteousness, mais quand je regarde à la justice, you know me. Vous me connaissez. I always want to lay my hand on something physical and say, this is it. Je veux toujours poser ma main sur quelque chose et dire, c'est ça. And I found out, et j'ai trouvé that the heart, que le cœur is actually the vessel of righteousness. Est actuellement le récipient de la justice. That's why he says, where your treasure is, there your heart also will be. C'est pourquoi il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. So he's saying, allow your heart to be vessels of treasure, vessels of the Holy Spirit, and that means vessels of righteousness. Alors, il dit, permettez à vos cœurs d'être des récipients du trésor, des récipients du Saint-Esprit. Et ça signifie des récipients de la justice. The only thing Jesus died on the cross is the heart. La seule chose pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est le cœur. When the devil comes to steal, the only thing he can steal is the heart. Quand le diable vient pour voler, la seule chose qui peut voler, c'est le cœur. He has stolen the hearts of men. Il a volé le cœur des hommes. And that's why I have come here. Et c'est pourquoi je suis venu là. To tell you that within all the gold and the diamond of the earth together. Pour vous dire que dans tout l'or et les diamants de la terre ensemble, there is a bigger treasure. Il y a un plus grand trésor. And that treasure is righteousness. Et ce trésor est la justice. But the tangibility of it, the physical embodiment of it. Mais la tangibilité de cela, l'incarnation physique de cela, is the heart that contains it. C'est le cœur qui le contient. So he's saying, alors il dit, that preserve your heart. Préservez votre cœur. Dress your heart with righteousness. Revêtez votre cœur de justice. That the glory of God may come forth from you. Que la gloire de Dieu va venir de vous. He says in the book of Proverbs chapter 31 verse 22. Il dit dans le livre des Proverbes chapitre 31 verset 22. Let's see what he talks about there. I want to know also. Voyons de quoi il parle là. Je voudrais le savoir aussi. Proverbs 31. Proverbes 31. Proverbs 31 verse 22. Proverbes 31 verset 22. He says, Il dit, she makes for herself coverlets, cushions and rugs of tapestry. Elle se fait des couvertures, des coussins, des tapis de tapisserie. Her clothing is of linen and pure and fine and of purple, such as that which is the clothing of the priests and the hallowed cloths of the temple were made. Son habillement est en lin pur et fin et en pourpre, comme étaient faits les habits des prêtres et les habits sacrés du temple. He is talking about who? Il parle à propos de qui? The bride of noble character. L'épouse de caractère noble. Which kind of bride are you? Quelle sorte d'épouse êtes-vous? He says she makes for herself clothing of finest linen of clean tapestry and she is adorned with them. Il dit, elle se fait des habits du lin le plus fin et de la tapisserie propre et elle est décorée avec ça. Cushions and everything. But you understand the message is bringing forth. Des coussins et toutes choses. Mais vous comprenez le message qui est apporté là? He is actually talking about her neatness, her keenness. She's very keen on detail. Il est actuellement en train de parler à propos de finesse, d'enthousiasme. Elle est très affilée dans les détails. Especially regarding her garment. Et spécialement concernant son vêtement. Today, the church has not bothered about her garment. Aujourd'hui, l'église n'a pas d'or à propos de son vêtement. Are you a bride of noble character? Êtes-vous une épouse de caractère noble? Remember, Jesus is the groom of noble character. Souvenez-vous, Jésus est l'époux de caractère noble. And the Bible says, et la Bible dit, that he deserves a spotless, wrinkled, stainless bride. Qu'il mérite une épouse sans tache et sans rides. That is the bride of noble character. Ça, c'est l'épouse de caractère noble. The book of 2 Corinthians chapter 5. Le livre, la deuxième épître des Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthiens chapitre 5. I'll read only a few. Je lis seulement un peu. And then at home you can read the whole chapter. Et ensuite, à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre. And it says, alors il dit, for we know that if the tent, which is our earthly home, is destroyed, dissolved. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, we have from God a building, a house not made with hands, eternal in the heavens. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Here indeed, in this present abode, body, we sigh and groan inwardly because we yearn to be clothed over, we yearn to be put on our celestial body like a garment to be fitted out with our heavenly dwelling. I like that. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. So that by putting it on, we may not be found naked without a body. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. For while we are still in this tent, we groan under the burden and sigh deeply, weighed down, depressed, oppressed, not that we want to put off the body, the clothing of the spirit, but rather that we would be further clothed, so that what is mortal, our dying body, may be swallowed up by life after the resurrection, after rapture. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie après l'enlèvement. He says this. Il dit ceci. If we can prepare to come to church on Sunday, si vous pouvez vous préparer pour venir à l'église le dimanche, and prepare in the physical sense, et vous préparer dans le sens physique, how much more then should we prepare for our heavenly dwelling? Combien plus devrions-nous nous préparer pour notre demeure céleste, for eternity, pour l'éternité? And this one is just a few hours in church. Et celle-là, c'est pour quelques heures dans l'église. Just a few hours. Juste quelques heures. How about for 900 trillion years and eternity has not yet begun? Qu'en est-il de 900 000 milliards d'années et l'éternité n'a pas encore commencé? I was talking about the fact that you now need also to prepare your heavenly dressing. J'étais en train de parler à propos de ce que vous devez vous préparer pour votre vêtement céleste. The dressing of righteousness. Le vêtement de la justice. Because righteousness is the only treasure, that is the only currency, the only denomination that heaven receives, you know? Parce que la justice est le seul trésor, la seule monnaie, la seule dénomination que les cieux reçoivent, vous savez? And so he said, et alors, il a dit that if you will dress in righteousness, que si vous voulez vous vêtir de justice, then he said, ensuite il a dit that what is dying and decomposing in you will be resurrected, will be killed, will be immortalized. Qu'est-ce qui est en train de mourir et de se décomposer en vous va être révélé, va être tué, va être immortalisé. I came to tell you, je suis venu pour vous dire that, hey, que stop banking on earthly living. Arrêtez de mettre en banque la vie terrestre. I came to tell you, je suis venu pour vous dire that if you are comfortable here, que si vous êtes confortable ici, in this mortal life, mortal body, dans cette vie mortelle, dans ce corps mortel, then, ensuite, you are absent there. Vous êtes absent là. I came to tell you, je suis venu pour vous dire that the two cannot coexist. Que les deux ne peuvent pas coexister. You have to choose today. Vous avez à choisir aujourd'hui. And choose righteousness. Choisissez la justice. Choose immortality. Choisissez l'immortalité. And begin to direct every part of your life towards the kingdom of God in heaven. Et commencez à diriger toutes les parties de votre vie pour rechercher le royaume de Dieu dans les cieux. That's what I came to say. C'est ce que je viens dire. The heavenly clothing. Les vêtements célestes. Your heavenly dwelling. Votre demeure céleste. 2 Samuel chapter 6. Read it at home, verse 5 to 15. 2 Samuel chapitre 6. Lisez-le à la maison, les versets 5 à 15. But if you look at Matthew chapter 22. Mais si vous regardez Matthieu chapitre 22. The Lord still talks about that dressing at the time the Messiah comes for the church. Le Seigneur est en train de parler de ce vêtement pour le temps où le Messie vient pour l'Église. And he says that whoever will not be clothed in that linen, et il dit que qui que ce soit qui ne sera pas vêtu de ce lin, that finest linen, ce lin le plus fin, that will not enter, n'entrera pas. Because in that scripture you hear the Father saying, friend. Parce que dans cette écriture, vous entendez le Père dire, ami. Mon ami. Mon ami. Avel Shelly. Avel Shelly. Amigo mio. Amigo mio. Whatever language you want to say, friend. Quel que soit le langage que vous voulez dire, ami. How did you enter here without wedding clothes? Comment est-ce que tu es entré là sans l'habit de noces? And we know that the friend of God is the pastor, is the servant of God. Et nous savons que l'ami de Dieu, c'est le pasteur, le serviteur de Dieu. We know the friend of God is the church in the world. Nous savons que l'ami de Dieu, c'est l'Église dans le monde. And so, which means, alors, ce qui signifie, if you are not dressed in righteousness, even as a friend of God, you will not enter. Si vous n'êtes pas revêtu de justice, même en tant qu'ami de Dieu, vous n'allez pas entrer. Remember Samuel versus Eli. Souvenez-vous de Samuel contre Eli. You remember that Samuel's mother, vous vous souvenez que la mère de Samuel always prepared for him a linen ephod every year and took. Préparait toujours pour lui un éphod de lin et chaque année elle l'amenait. In that way, he maintained the finest linen, bright and clean before the Lord perpetually. Dans cette parole, il maintient le fin lin brillant et pur devant le Seigneur perpétuellement. Precious people. Précieux peuple. It does not matter how filthy your garment may be. Ça n'a pas d'importance combien un vêtement peut être sale. But what matters is this. Mais qu'est-ce qui a de l'importance? If you will heed this voice, si vous voulez entendre sa voix and repent, et vous repentir, you will enter into eternity with God. Vous entrerez dans l'éternité avec Dieu. And I'm talking about today. Et je suis en train de parler d'aujourd'hui. Because the Bible says, parce que la Bible dit when that day comes, quand ce jour vient, there will be no announcement on TV. Everybody watching, an announcement is being made. Il ne va pas y avoir d'annonce à la télévision. Tout le monde est en train de regarder et l'annonce a été faite. Allô, guys. Allô, les gars. Allô. We are interrupting this program. Nous interrompons ce programme to bring a special announcement. Pour vous apporter une annonce spéciale. The rapture is going to happen in the next 5 minutes. Get ready. L'enlèvement va arriver dans les 5 prochaines minutes. Soyez prêts. Never. Jamais. This is the warning. C'est l'avertissement. This is the announcement. C'est l'annonce. Because when the rapture happens, it's in a flash, in a twinkling of an eye, no notice. Parce que quand l'enlèvement arrive, dans un instant, en un clin d'œil. And if you know, et si vous savez that you are not right with the Lord based on this garment, que vous n'êtes pas en ordre avec le Seigneur basé sur ce vêtement, and you want to return to him no matter what, et que vous désirez retourner à lui, qu'importe quoi, with the pastor, quand le pasteur, bishop, le bishop, priest, le prêtre, king, le roi, princess, la princesse, prince, le prince, duke, le duc, widows, les veuves, worship team, l'équipe de louange, evangelist, les évangélistes, it does not matter. Peu importe. If at this hour, si à cette heure, you know that you just want to go back, so you may sort out this issue about the garment. Si vous voulez que vous désirez juste retourner, alors vous pouvez résoudre cette issue à propos du vêtement. Then lift up your hand. It's going to be a 2 minute prayer. Alors, élevez vos mains. On va avoir 2 minutes de prière. Repeat very, very loud in 2 languages. Répétez très fort en 2 langues. Say, Dear Jesus. Dites, cher Jésus. Today. Aujourd'hui. And right now. Et juste maintenant. I repent. Je me repens. From the bottom of my heart. Du profond de mon cœur. And I give you my heart. Et je te donne mon cœur. And my life. Et ma vie. Please forgive. S'il te plaît, pardonne. Forgive me. Pardonne-moi. Lord. Seigneur. Prepare in me. Prépare en moi. The finest linen. Le lin le plus fin. Righteousness. La justice. And holiness. Et la sainteté. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Today. Aujourd'hui. I am crossing over. Je passe de la mort à la vie. Amen. Amen. Thank you so much. Merci. Tellement merci.